Vous écoutez CKRL au 89.1 et pour ce dernier segment de Futur Simple, nous passons des organismes poïkilothermes à la médecine. Depuis plusieurs semaines, on entend beaucoup parler du virus Zika qui sévit surtout au Brésil et qui est la nouvelle épidémie à combattre d'urgence selon l'Organisation mondiale de la santé. Et on a bien sûr entendu que le virus Zika est d'autant plus dangereux chez les femmes enceintes car il provoque des malformations chez les bébés. Aujourd'hui, avec Marie-Claude Lafitte, on va essayer d'y voir un peu plus clair dans cette maladie émergente que l'on connaît un petit peu. Pas énormément. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Et tout d'abord, bien félicitations docteur. Merci. Il nous faudrait une audience plus grande pour applaudir. Non, on va encourager tous les gens chez eux à faire ça. Donc tout d'abord, revenons-en à la maladie du virus Zika. Quelle est la cause en fait de cette maladie? Alors, comme son nom l'indique, la maladie à virus Zika est causée par un virus donc qui a été découvert pour la première fois chez un singe en 1947 en Ouganda, dans une forêt qui s'appelle la forêt Zika et qui a donc donné son nom au virus. Donc, cette maladie à virus Zika est transmise par piqûres de moustiques, notamment par le fameux moustique tigre qui présente des lignées blanches sur son corps, qui est probablement le moustique le plus photographié ces derniers jours. Donc c'est le vecteur de transmission de cette maladie. Alors il y a encore quelques jours, on pensait que seul le moustique pouvait transmettre la maladie, mais on a récemment reporté en France le premier cas de transmission sexuelle du virus Zika. Ah oui ? Il s'agit d'un homme qui revenait du Brésil, qui était infecté sans le savoir et qui a transmis le virus à sa femme. Mmh. Donc tu le dis, le virus est originaire d'Afrique, mais pourtant là on entend surtout parler du virus Zika et de cas de maladie au Brésil. Donc il semble que ce soit au Brésil que l'épidémie fait parler d'elle. Donc comment ce virus a-t-il fait pour se propager de l'Afrique aux autres continents? Puis on peut se demander jusqu'où ira-t-il? Alors, l'hypothèse la plus probable sur le déplacement du virus, c'est que c'est le mouvement des personnes qui a apporté le virus Zika à d'autres continents. Par exemple, si une personne infectée en Afrique voyage et se rend jusqu'en Asie, rendue là-bas, cette personne peut se faire piquer par un moustique qui va se nourrir du sang donc de cette personne infectée, et le moustique devient alors porteur du virus. Lorsque ce même moustique va aller piquer une autre personne, il va l'infecter avec le virus et ainsi commencer une nouvelle chaîne d'infection dans cette partie du monde qui à la base n'était pas endémique. Mmh. Donc c'est ainsi qu'on a pu détecter en 2007 une épidémie de Zika en Micronésie, qui est un archipel du Pacifique. Et suite à ça, il y a eu d'autres cas en Polynésie française en 2013 et puis depuis quelques mois dans toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et notamment au Brésil. Donc il y a plusieurs hypothèses qui circulent sur l'arrivée du virus en Amérique. Certains disent que c'est la Coupe du monde de soccer organisée au Brésil en 2014 qui a amené son lot de supporters venant d'Afrique qui étaient infectés par le virus, qui se sont déplacés donc pour la Coupe du monde et qui auraient ainsi démarré une chaîne d'infection. Alors il y en a d'autres qui disent que c'est un concours de pirogues polynésiens qui a amené le virus des îles du Pacifique jusqu'en Amérique, donc par l'ouest cette fois-ci, car ces pirogues auraient eu à leur bord des personnes infectées. Alors justement, à cause du mouvement des personnes, le virus peut être amené d'une région du monde à une autre. Est-ce qu'on peut imaginer une épidémie mondiale? Alors, c'est tout à fait possible puisqu'on a en effet des cas de maladie à virus Zika qui se sont déclarés au Canada ou encore en Europe à cause de voyageurs qui revenaient de régions infectées. Cela dit, les zones les plus à risque restent quand même celles où vivent les moustiques porteurs, hein, à savoir donc les régions tropicales. Mais le réchauffement planétaire pourrait déplacer le virus en dehors de ces zones tropicales. Alors je m'explique. Par exemple, en France, on a reporté la présence du fameux moustique tigre dans quelques régions de France, mais ce moustique est inactif pendant l'hiver. Et aux alentours du mois de mai, quand les températures se réchauffent, le moustique reprend ses activités, si je puis dire, et commence alors à piquer pour se nourrir. On peut donc éventuellement envisager que l'été soit une période propice à l'expansion de l'épidémie en France, avec certains moustiques qui pourraient être porteurs du virus et démarrer ainsi une chaîne d'infection. D'accord. Donc revenons-en à la maladie elle-même. Quels en sont les symptômes? Dans les trois quarts des cas, l'infection à virus Zika ne provoque pas de symptômes, ce qui fait que les personnes infectées sont difficiles à identifier puisqu'elles se portent bien. Donc, quand il y a des symptômes, ils apparaissent 3 à 12 jours après la piqûre sous forme d'éruptions cutanées, avec ou sans fièvre, avec parfois de la fatigue, des maux de tête, des courbatures, une conjonctivite un peu comme un syndrome grippal en fait, ce qui rend aussi le diagnostic plus compliqué. Donc en général, ces symptômes, ils mettent 2 à 5 jours à disparaître. après donc apparition. Mais il se pourrait aussi que le virus provoque des complications neurologiques, comme le syndrome de Guillain-Barré, qui se manifeste par des paralysies musculaires d'intensité variable, mais qui sont réversibles après plusieurs semaines. Mmh, justement, en parlant de troubles neurologiques, il semblerait aussi que le virus Zika ait un impact grave sur le développement du cerveau des fœtus portés par les femmes enceintes. En fait, c'est surtout par cet aspect-là qu'on a entendu parler de la maladie. En effet, c'est l'un des principaux sujets de préoccupation. Mm-hmm. Lorsque le virus Zika est transmis à une femme enceinte, il semble que celui-ci soit responsable de graves anomalies du développement cérébral chez le fœtus. L'anomalie la plus grave qui a été reportée, c'est la microcéphalie, qui se manifeste par une insuffisance de croissance du cerveau et du périmètre crânien, et qui peut entraîner, dans ses formes les plus sévères, des retards de développement très importants et irréversibles chez l'enfant. Et certaines atteintes, même les plus graves, peuvent conduire à une mort in utero ou dans les premiers jours de vie. Et au Brésil, les cas de microcéphalie sont un vrai problème, puisqu'on compte aujourd'hui plus de 4000 cas d'enfants mm-hmm. atteints, mais tous n'ont pas été clairement reliés au virus Zika. Ah, oui. Donc peut-être que certains de ces cas sont dus à d'autres facteurs. Ah, oui, parce que d'un autre côté, est-ce qu'on a relevé des cas de microcéphalie en Afrique, par exemple, d'où le virus est originaire? Est-ce qu'on le sait? Pour l'instant, je ne crois pas, non. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des traitements pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie? Pour l'instant, il n'y a pas de médicament antiviral qui protège contre les infections au virus Zika. Donc, les traitements consistent à soigner les symptômes en fonction des signes constatés. Et malheureusement, il n'y a pas non plus de vaccin disponible. Mais cependant, quelques universités se sont penchées sur le sujet, notamment l'Université de Pennsylvanie, en collaboration avec un groupe pharmaceutique et bien avancé, et travaille actuellement sur un vaccin qui sera testé chez l'homme à partir de septembre prochain. Cela dit, la mise sur le marché d'un vaccin est longue et coûteuse, mm-hmm. donc il n'y aura certainement pas de vaccin sûr et efficace disponible en pharmacie avant plusieurs années. Donc en attendant, quels sont les meilleurs moyens de se protéger contre la maladie? On évite de se faire piquer par le moustique. Exactement. La prévention et la lutte contre Zika s'appuient sur la réduction du nombre de moustiques à la source et la diminution des contacts entre ces insectes et l'humain. Donc si vous comptez vous déplacer dans des régions infectées, il faut s'assurer de porter des vêtements longs qui couvrent la peau afin de diminuer le risque de piqûre par un moustique. On peut également utiliser des répulsifs et des moustiquaires pour se protéger et également tenter d'éliminer les sources d'eau stagnante au voisinage des maisons, puisqu'en fait les moustiques pondent leurs larves dans ces eaux stagnantes. Donc j'entends par là, par exemple, essayer d'éliminer l'eau présente dans les seaux de jardinage, les pots de fleurs, etc. Mm-hmm. pour éviter la propagation des moustiques. Alors on recommande aussi aux femmes enceintes de ne pas voyager dans les régions atteintes et on déconseille aux femmes se trouvant dans ces régions de tomber enceinte, mm-hmm. Ce qui est une directive un petit peu compliquée. Oui, ça peut avoir des incidences sur la démographie si tout le monde suit la directive. Exactement, mais c'est ce qu'on demande avant que l'épidémie ne soit mieux contrôlée. Mais il reste cependant des inconnus. Par exemple, on sait qu'une femme qui attrape le Zika pendant sa grossesse par piqûre de moustique risque d'avoir un enfant atteint de microcéphalie. Mais qu'en est-il si cette femme a attrapé le virus il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois et tombe enceinte aujourd'hui? Mm-hmm. Est-ce que peut-être que le virus est toujours là, peut-être, même exactement. S'il n'y a plus de symptômes, mais peut-être que le virus est toujours là et peut faire des dommages? Exactement, on ne sait pas si le mm-hmm. bébé court ou pas le même risque. Donc il y a aussi d'autres questions liées à la transmission sexuelle, maintenant qu'on a pu prouver un cas de transmission sexuelle. Donc par exemple, si une femme enceinte est contaminée par son mari qui est porteur du Zika, est-ce que le bébé développe les mêmes symptômes que si la femme était infectée par piqûre mmh. de moustique? Mmh. Est-ce que le virus se développe de la même façon dans le corps de la femme et dans le fœtus? Donc malheureusement, toutes ces questions restent pour l'instant sans réponse, puisque nous n'avons pas assez de recul sur la maladie pour y répondre. Mais l'Organisation mondiale de la santé semble réagir à propos et à temps en ce qui concerne cette épidémie de Zika, ce qui laisse présager une meilleure prise en charge et un meilleur contrôle de la maladie que ça n'a été le cas pour l'épidémie mm-hmm. d'Ebola, par exemple. On va l'espérer. Espérons-le. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour ces éclaircissements sur cette maladie à virus Zika. Merci.